الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والكمال ذي العز والجلال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المولى تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Si on t'aurait pas raffermi, tu aurais bien failli te pencher un peu vers eux. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Ils veulent que tu adules pour qu'ils adulent. Ils veulent que tu sois doux envers eux pour qu'ils soient doux envers toi. قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجزء الثامن عشر من تفسيره: قال ابن العباس رضي الله عنهما وعطية والضحاك وسدي: ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. Il voudrait que tu m'écroies pour qu'ils puissent persister dans leur mécréance. وقال الفراء والكلبي: لو تلين فيلينون لك. Il voudrait que tu sois doux envers eux pour qu'ils puissent être doux envers toi. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: ودوا لو تكذب فيكذبون. Il voudrait que tu sois un menteur. Il voudrait que tu mentes pour que eux ils puissent mentir. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق. مجاهد دي رحمه الله que dans le sens de ce verset, c'est-à-dire il voudrait que tu laisses le haqq, il voudrait que tu laisses la vérité et que tu te penches vers eux. قال القرطبي رحمه الله: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. ودوا لو تدهن فيدهنون. لو تدهن والمداهنة هي التنازل عن الشيء من الدين إرضاء لهم. L'adulation, la cajolerie, c'est renoncer à une chose dans la religion pour leur donner satisfaction. Ils voudraient, c'est-à-dire ces kuffars, que tu te penches vers eux, ne serait-ce légèrement. Les preuves, les adillah, sont nombreux qui montrent que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mudahana. Il n'y a pas de mudahana dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les adillah sont beaucoup, sont nombreux. Je vais en citer un seul. C'est lors de غزوه احد. لما كان يوم احد اشرف ابو سفيان على المسلمين فقال: افي القوم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ابو سفيان a dit: est-ce que Muhammad est-il parmi vous? Le prophète عليه الصلاه والسلام il a dit: ne lui répondez pas. ثم قال: افي القوم ابن ابي قحافه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. Il a dit une deuxième fois: est-il parmi vous Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu? Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit: ne lui répondez pas. Thumma qal: afi al-qawmi Umar ibn al-Khattab? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: la tujibuh. Il a dit une troisième fois: est-ce que Umar ibn al-Khattab est-il parmi vous? Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit une troisième fois: ne lui répondez pas. فالتفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا لو كانوا أحياء لأجابوا. أبو سفيان il s'est retourné vers ses compagnons et il leur a dit: ils sont tous morts, s'ils étaient vivants ils auraient répondu. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يخزيك. عمر n'a pas pu se retenir رضي الله عنه. Il a dit: t'as menti, ô ennemi d'Allah. Allah a préservé des hommes pour toi, pour qu'ils puissent t'humilier. Faqal: u'lu hubal, gloire à hubal, gloire à hubal. Faqal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ajibouh, afala tujibouh? Faqalou ma naqoul? Qal: qoulou Allahu a'la wa ajal. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit: répondez-lui. Les sahaba ont demandé: mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Le prophète alayhi salatu wassalam il leur a dit: dites-lui, Allah est le plus haut et le plus glorieux. Faqala Abu Sufyan: ala lana al-uzza wa la uzza lakum. Nous possédons Al-Uzza alors que vous n'avez pas cette divinité. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit répondez-lui. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va lui répondre. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dites-lui Allah est notre maître et vous n'avez pas de maître. Allah est notre maître et vous n'avez pas de maître. والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله وفي رواية لابن إسحاق وصححها الألباني رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قال لأبي سفيان لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. Et dans une riwaya de Ibn Ishaq, Omar radiallahu anhu a dit ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil, nos morts sont au paradis et vos morts sont en enfer. Regardez bien dans ce hadith, Ahibati, est-ce que le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, quand Abu Sufyan a dit le batil, a dit le faux, est-ce que les sahaba ont gardé le silence? Non, wallah, ils ont dit la vérité, ils ont dit al-haq. Donc si les gens du haq mettent une mascarade sur le haq, sur la vérité, le haq serait sûrement perdu. Lorsque on entend le batil et on peut dire à ce moment-là le haq, il faut dire le haq. Mahma kana thaman. Et sache, barakallahu fik, que l'adulation, al-mudahana, est une caractéristique des hypocrites. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Puis vous n'aurez pas d'alliés en dehors d'Allah et vous ne serez pas secourus. قد يقول قائل. Quelqu'un pourrait nous dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne faites pas de polémique avec les gens du livre, qu'avec une meilleure façon. نقول له ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن نعم ولكن أكمل الآية إلا الذين ظلموا منهم sauf ceux qui sont injustes parmi eux. إلا الذين ظلموا منهم أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. Comme ils ont dit أهل التفسير إلا الذين ظلموا منهم sauf ceux qui sont injustes parmi eux, c'est-à-dire ceux qui veulent pas donner al-jizya. Donc, faites des polémiques avec eux. Avec quoi? Avec l'épée. Jusqu'à qu'ils donnent al-jizya an yadin wa hum sagirun. Un musulman ne transige jamais sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, il a la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse. Mais il ne donne pas quelque chose de sa religion pour satisfaire les mécréants. Et comme ils disent, il faut faire cela pour la maslaha et dans le but de faire entrer les kuffars dans l'islam. ودوا لو تدهن فيدهنون هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. Ils nous disent لا تقولون الكفار. Ne dites pas les kuffars. لا تقولون المشركون. Ne dites pas les idolâtres. لا تقولوا الآخر. Dites les autres. قولوا غير المسلمين. Dites les non-musulmans. Ils n'aiment pas ces mots كفار, مشركين, polythéistes, منافقين, hypocrites. Ils disent laissez ces mots de côté. Il dit changez le discours religieux, subhanallah, changez le discours. Il faut changer le discours, se rapprocher des kuffars. Ces paroles appartiennent à qui? Al-mushrikin kuffar. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalath. C'est des paroles de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'appartient pas à un musulman de changer ne serait-ce une lettre du Coran. Ils veulent qu'on change des mots, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent qu'on soit à notre tour des kuffars comme eux. L'adulation, al-mudahana, haram, est interdite. Et c'est renoncer à des choses dans la religion pour donner satisfaction aux kuffar. Délaisser des choses dans la religion, cacher des choses dans le din. Dire que dans l'islam, il n'y a pas de jihad. Dans l'islam, il n'y a pas de qital. Hadihi hiya al-mudahana. Et celui qui fait ça, il aura malheureusement vendu sa religion à vil prix. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Wallahu ghalibun ala amrih. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.